ladies and gentlemen, the story you're about to see is true. The names have been changed to protect the innocent. Maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie et tout ce temps qui m'indiffère? Toi maintenant, toi, avec toi c'est petit, et tout séduit. Pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, et tout s'écart. Pour qui, pourquoi? Mais parce que, et pour l'adieu, l'adieu. Et maintenant, que vais-je faire de ce néant? Ce néandertal. Pas mental. Malade. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? Oui, c'est terminé, je te le dis, moi, c'était. Et tous ces gens? Quels? Il y a Jean, il y a Maryse, il y a Lucette, il y a Dorothée, il y a Martine, il y a Claudine, il y a Stéphanie. Que vais-je faire? Et tout ce temps? Ouais, c'est long, hein? Ça fait combien de temps? 2 minutes? Que tu es parti. C'est l'émission chantée. Et tout ce temps. Pour qui, pourquoi? Et maintenant, le petit oiseau de toutes les couleurs. Mon petit oiseau de toutes les couleurs. Hey, j'ai peur de retourner dans sa tombe. Et cette tombe. Pourquoi? Oh mon Dieu, l'anarchie. Et maintenant, abandonne. Que dois-je faire de ce qu'un néant? Oh, tu t'es trompé. Et je me suis trompé. Hey, ton émission là, ne fait pas rire du tout. Je ne m'esclave point. Il n'y a pas une dose d'humour. Moi, en 1966, là, j'ai déjà pris du LSD. Je bidonnais, mais là, ton émission, là, ça fait pas rire. Le scarf point. Il n'y a pas une dose d'humour. Oui, en 1966, là, j'ai déjà pris du. Ton humour, là, ça fait pas rire. Bienvenue à l'Errance Rénaldienne. Un début d'émission merveilleux! Avec une boîte à rythme, la boîte à rythme de Didier Chopin. Hey, mon Chopin, ne te retourne pas dans ta tombe. Tu es déjà à l'intérieur, bien sur le dos. Surtout, ne mange pas l'oreiller comme Rita. Rita la mange quoi? Elle est à la manche du recto versum. Mais, Georgette, c'est un début. Mais quel début? Jusqu'où nous rendrons-nous? Est-ce que c'est le verbe rendre? Oui, c'est le verbe rendre. C'est comme le verbe tendre. Tendre. Mais tendre vers quelqu'un. Oui. Ben oui. On ne peut pas dire autrement. Le verbe tendre et le verbe... Entre. Entre la chevillette, chère. Eh, la chère. La chère demoiselle qui est ici en ce beau samedi ne va pas très bien. Elle a rencontré son chaperon rouge. Elle n'est pas sur le chaperon rouge, elle. Elle est sur le chaperon rouge. Ah, oh, je croyais qu'elle était au prince. Non, elle n'est pas au prince. Elle est au chaperon rouge. Ah, oh, c'est... Alors, à toutes les princesses qui sont au chaperon rouge, bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est codé dans le milieu. Dans quel milieu? Le milieu impermop. Impermop. Lave bien ta mop, ma chérie. Lève bien ta mop. Surtout, trompe-toi pas avec tes cheveux. Elle a les cheveux en forme de mop. Elle a... Ben, c'est la coiffure, hein. Je lui ai bien mentionné, ne mets pas de revitalisant, sinon on risque de se tromper avec ton chien. Pourquoi? Mais parce que son chien a la même chevelure poilue que sa tête, qui est, ma foi, des plus extravertis. Elle a une tête extravertie. Oui, au niveau des épaules. Oh, OK. Ça veut dire, ben, elle est remontée. Oui. Elle est visible. Mm. Donc, elle est extravertie. Oh. J'avais jamais vu ça de même. On voit toujours autrement, mon petit. Ici, à l'errance rénaldienne, on redécapsule tous les mouvements visuels, toutes les structures narratives. C'est pour ça que certains dans les... Oui. Ton émission, là, oui. Ne me fait pas rire du tout. Okay. Je ne m'esclave point. Oui. Il n'y a pas une dose d'humour. D'accord. Moi, en 1966, là, oui. J'ai déjà pris du LSD. Oh, c'est pas bien, ça, parce que dans les écoles... Oui. Ton émission, là, oui. Ça fait pas rire. Non? Je m'esclave point. D'accord. Il n'y a pas une dose d'humour. OK. Oui, en 1966, là, oui. J'ai déjà pris du... Ouais. Du? Du... Hey, ton humour, là, ouais. Ça fait pas rire. OK. Bon. On voit que monsieur est hypothéqué. En 1966, tout s'est passé et maintenant, il n'y a plus rien. Toutes les cellules sont brûlées. Bon, à bon entendeur, salut. Donc... T'es méchant. Mais non, j'ai tout expliqué aux gens. Pendant l'émission, ils comprendront quel est cet individu parce que ce n'est pas un personnage. Il existe réellement. Il n'aime pas l'errance rénaldienne. Il a le droit. Et ici, à mon émission, j'ai le droit de dire qu'il n'a pas le droit de ne pas aimer ça. Et c'est la dictature. Comment? C'est la dictature. C'est la dictature. Mais c'est la dictature intellectuelle, mentale que je n'aime pas ici. Comment ça, vous n'aimez pas ça ici? On fait pas de la dictature? Comment vous... Je comprends pas pourquoi. Mais nous, du membre de PPP. PPP. Petite personne peureuse. Oui, ah, vous êtes une petite personne peureuse. Ben, elle est petite, hein, tellement petite que... Je me suis déjà caché à un moment donné. Oui, à quel moment donné? À un moment donné. Ce moment donné-là n'est pas encore dans les données. Oui, alors vous allez me donner... Je vais vous remettre la journée et l'année dans quelques années, mais pas maintenant. Oh, OK. Alors, j'étais coincé, dis-je. Oui. Dis-je. Oui, dites. Alors, donc, je dis-je... Non, je vous dites. Je dis-je... Que j'étais coincé entre un tabac et un grain de lait. Oh, mais et comment ça s'est déroulé? Ben non, ça ne s'est pas déroulé, ça s'est roulé. Oh, vous vous êtes roulé? Non, papier cigarette roulé avec grain de lait et tabac et d'autres substances hallucinogènes. Ouais, dedans, ça va bien? Ça va très bien. Et là, quand... Ben, eux ont allumé bout de zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing. Ils ont joint l'utile à l'agréable. Ils ont joint l'utile à l'agréable. Ils ont allumé le péteux, pétard, pétain, pétou. Peut-être que je me trompe. Non, non, c'est un pétard. Un pétard, mais oui, pétard. Communiquer, comment communiquer avec les autres? Non, ben, je vais, enfin, j'essaie de traduire. OK. Alors, glingue de lit, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, pétard. Grouler pétard, allumer pétard, poum, pétard pété. Et vous? Ben, entre le glingue de lit et le tabac, donc sauvé. Oh, alors vous étiez comme une tranche de jambon ou de salami entre deux pains. Oui, excusez-moi, c'est le cerveau qui fonctionne quelquefois. Mais pas très accordé, hein. Message Gainsbourg. Attendez, message. Ah mon Dieu, message Gainsbourg. Ah, ça fonctionne pas comme ça. Mais grain de lit, on a pété introduction avec clavier. Clavier qui n'est pas clavierisé. Comment? Un clavier doit être clavierisé. Oui, alors comment on fait? Ben, faut apprendre l'instrument. OK, pour apprendre l'instrument, il faut... Faut apprivoiser comme la fauve devant le sommeil des ténèbres forestiers. Oh! Et à travers tout ça, il y a monstres, il y a nuit, il y a hibou, bou, bou, bou, bou. Il y a plein de choses indescriptibles. OK. Et moi, ben, grain de lit et tabac peut faire tout ça. Oh, alors donc, vous êtes comme immunisé. Immunisé. Alors donc, mais si les gens là, actuellement là, vous écoutent, et depuis, je sais pas, là, 10 minutes là, d'errance canadienne ne rit pas, que pouvez-vous leur dire? Manque d'humour, manque d'intelligence mentale. Oui. Ton émission, là, oui. Ne me fait pas rire du tout. Je ne m'esclave. Moi, je vous ai... D'accord. Mais je vous conseille... 1966, là, oui. J'ai repris du LSD. Oui, je vous conseille, petit grain de lit. Ça fait pas rire. Mais c'est point. Il n'y a pas une dose d'humour. Oui, en 1966, là, j'ai déjà pris du... Hey, ton humour, là, ça fait pas rire. Doit de pas faire l'île, mais doit aussi amener côté... L'effectif antérieur du cerveau fait exploser les neurones. Mais pas comme comme PPP, PPSB, PTS, PT en haut du trou. Pas du tout. Très commune. Et puis dire que l'errance canadienne est ouverte à partir de maintenant. Et ça a été comme très long. Hein? Ouais, très long. Alors, monsieur le président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous. Moi, c'est comme Sonic Youth, hein? Est-ce que vous connaissez Sonic Youth? Oui, Sonic Youth. C'est un groupe new-yorkais qui ont commencé à faire de la musique dans les années 80 sans connaître aucune sonorité. Ben, ils connaissaient les sonorités, là. Ils connaissaient ça. Mais aucune gamme musicale. Donc, tout le groupe, le bassiste, le guitariste, la batteuse, la moissonneuse-batteuse et la triplex de Belleville étaient dans ces studios de la Quentin Manun à New York et jouaient sans connaître aucun instrument. Ils se sont forgés un style, un son, et depuis des années, ils nous font vibrer. Et quand j'entends des critiques, ils disent « Ah, ben Sonic Youth, cette année, la Nurse, album totalement hâte. Oui, j'ai très hâte de l'écouter, mais c'est totalement hâte à l'intérieur du hymne. Mais là, il y a un plot dans les rires. » Ben, c'est... Comment on peut dire ça, là? C'est des gens qui ont fait évoluer la musique. Ils ont le droit, à un moment donné, de s'arrêter, de peaufiner avant d'aller ailleurs. Alors c'est ça, je suis un peu comme Sonic Youth. Mais actuellement, là, je suis, parce que c'est pas l'ordre que je voulais entendre, mais enfin, bref. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mais ça risque de s'améliorer, je vous le jure. Mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone. Errance rénaldienne. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs pour un temps illimité. La seule émission, oui, où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Ballard, non. Du docteur Guéritou. Mais non, du docteur Mabuse. Oh, je ne m'abuse. Non, vous n'amusez pas. Qui télécharge mes émissions? La Gestapo, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états? À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré de la romancière Virginia Woolf? Et là, c'est comme si mon amour était heureux. Et voici lâcher le clavier. Oui, je lâche. J'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, c'est ici. Oh, l'Amérique, si c'est un rêve, je le souris. L'Amérique, si c'est un rêve, je l'apprendrai. Quand on va l'apprendre dans les journaux. À la page 78. Dans les sirènes de bateau qui vont chanter 100 fois la chanson de l'Eldorado. L'Amérique. Mes amis, je vous dis adieu. Je serai à vous donner un peu. Pardonnez-moi si je vous envoie dans les yeux des postillons. Oh, pas des postillons, oui, dans l'Amérique. C'est la grippe R2V2. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. 2 heures et plus à travers l'errance. Et voici le pitre qui change les chapitres. Diégétique, votre itinérant langagier, rénal de gagné. Ça va pas très bien, là. L'errance, complice de vos délires auditifs et aussi visuels au niveau des feuilles. Tout simplement au niveau des feuilles. Tout ce... Parce que si... On va vérifier. Ah non, ça résiste, hein, le petit clavier, là. Premièrement, je tiens à vous divulguer la supercherie de l'errance. C'est que nous avons un clavier qui se... Oups! Qui se... plie! Un clavier pliable. Oui, je vais pouvoir amener ça en Europe, en France, à Paris, et faire mes émissions avec ce petit clavier. Et si les gens sont prêts à s'en procurer un clavier errant, j'en ai un autre à vendre. Qu'est-ce que tu veux dire? J'en ai acheté 2. Comment ça? Je suis un être inquiet. Tu es inquiet? Je me suis dit, si l'autre fonctionne pas... Ouais. Il faut en avoir un deuxième. L'autre, le premier. Puis là, c'est lequel, lui? C'est le deuxième. Oh, puis le premier est brisé? Non. Pourquoi tu parles avec le deuxième? Les deuxièmes seront toujours les premiers. Oh! C'est sage, c'est très sage. Mais non, c'est parce que... je vais vous expliquer ma vie. Oui, on y va. J'en ai vu des amants. Et monsieur, ça c'est peu, oui. Pour dire aux homosexuels qui nous écoutent que moi c'est amante. Tu me dis pas que t'as des homosexuels qui courent après toi, ben. Dans une station communautaire à Québec, à Limoilou, le samedi, en après-midi. Il y en a un homosexuel qui court après moi. Voyons donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il court après moi. Il court? Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Non, allez. Il court après qui? Après moi! Après moi! Mais voyons donc, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut toucher à l'airain. Oh mon Dieu, tabarnak! Il appelle la police. Non, il veut, mais enfin, il aimerait ça, lui. Appelle les pompiers. Arrête, il va aimer ça. Ils vont sortir leur hose, ils vont l'asperger. Oh mon Dieu Seigneur, oh, je vois l'image à partir de là. Mais allez-y. Donc, c'est pour ça. Aujourd'hui, le samedi 23, bonjour à toi, cher ami. Je vais nommer ton nom la semaine prochaine si tu m'appelles. C'est des menaces. Des menaces de nord. De nord. Ben, perdre le nord. Je perds le nord. Ah, oh, moi, je pensais de mort. Non, de nord. Quoique de mort, il l'est déjà. Ah, mon Dieu. Est-ce que tu peux m'imiter? Oui, je vais l'imiter. Son rire. Et mon Dieu, c'est ça, c'est pas un ouran-outan? Non, c'est un ouran outré. Il est outré? Oui, de ne pas toucher les rangs gagnés. Les rangs gagnés, OK. Alors, les rangs. Aujourd'hui, le samedi 23 avril 2010, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les abarras familiaux, l'école, bref. Ah, vous connaissez l'histoire, là. On connaît, mais là, tu parles trop. Arrête de dire ça, Marita. Rita. Nous placerons cette semaine sous les projecteurs l'incontournable déesse de la musique rock progressive, Melissa Off Der Mar. Hein? Melissa Off Der Mar. Hein? Melissa Off Der Mar. Oh, Melissa, Miss Tibissa est toujours dévêtue. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Melissa me tue. Et derrière, c'est Canis, lorsqu'elle est moitié nue. C'est pas elle qui est derrière les Canis, c'est toi, mon Canis. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Melissa me tue. Hey, Mélissa, me tue. Hey, Mélissa, métisse, débissa, vit toujours dévêtue. On l'aime, celle-là. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue. Et derrière les canisses, lorsque j'ai mes longues vues. J'ai tout vu de chez Mélissa, elle est de petits seins pointus. Pas des petits, des moyens seins pointus. Des moyens, des méga seins pointus. Enfin bref. Au début des années 1990, Mélissa Off Der Mar fut membre d'un groupe nommé Tinker. Elle rencontra Billy Corgan, bien sûr, le prétentieux chanteur, la tête dirigeante du groupe Smashing Pumpkins, qui donna à Montréal au Foufoune électrique un spectacle. Tinker ouvra deux fois pour Smashing Pumpkins dans les années suivantes les concerts de ceux-ci. Corgan propose donc Melissa Off Der Mar et Country Love. Il dit Corgan a dit bonjour Country. Quand je danse la country, je te présente ma mademoiselle de service, c'est-à-dire Melissa Off Der Mar. Et si tu veux la rencontrer, hey, là, Country Love était Babylon noyé sur les flots de Pontiac, de Cadillac et des Rolls Royce féminins. Country Love, lorsqu'il apprend que celle-ci cherche une musicienne, Country cherche pour son groupe Hold, suite au décès de la bassiste Kristen Piaf. Off Der Mar fera partie de Hold pendant 5 ans et apparaît sur l'album solo Celebrity Skin. Elle annonce son départ le 20 octobre 1999, alors que Hold paraît avoir cessé ses activités et joint les Smashing Pumpkins à la place de Darcy Cray-Serrington, qui a annoncé avec les médias son départ quelques semaines plus tôt. Elle sort son premier album solo au début février 2004. Et là, je parle de, bien sûr, la sublime Melissa Off Der Mar avec le groupe éponyme créé pour l'occasion. Alors, j'avais autre chose, mais oui, l'autre chose. Ah, je l'ai jeté. Enfin, on va entendre un extrait narratif aussi de Michel Tremblay et de Pierre-Claude Brassard. Ah, mon Dieu, je m'en souviens. J'ai pas regardé. Je m'excuse infiniment auprès de Red Gaétan. C'est un film avec Yvon Deschamps et bien d'autres qui s'intitule... Je m'en rappelle même plus. Ah oui, je peux vous le dire. Récupère, mon champion. Ça s'intitule ce merveilleux... cette trame narrative. On y va. Le soleil se lève plus tard avec André Brassard et Michel Tremblay, le grand Michel Tremblay. Alors, bienvenue à l'Errance Rénadienne et laissons le générique nous exploser les oreilles avec beaucoup de sensualité, comme d'habitude, avec Melissa. Ouf, ben, malin. Avant que l'animal se déballe jusqu'à vous, nous tenons à vous mettre en garde. Tout en respectant le genre humain, jamais nous nous interdirons de dire quoi que ce soit. L'errance rénaldienne se veut avant tout multidirectionnelle, à travers un sentier noble et non édulcoré que l'on surnomme les mots, l'improvisation, dévissée de tout sens, pour, en bout de route, en réinventer une autre. Si en cours de route, des turbulences vous parviennent à travers des propos biscornus, des raccordements étranges, sachez que les personnages baroques collaborent à ce chaos anarchiste. Maintenant, préparez-vous à tout. L'errance rénaldienne se dessine. Hey Gisèle, sais-tu qu'est-ce qu'on a failli t'apporter, la fête? Girdle pour aller avec la balance? Non, t'es bien folle. On a failli t'amener Bernard Turgeon. Bernard Turgeon? Quoi faire, Bernard Turgeon? Pas l'hypocrite. T'as pas vu comment ce qu'il te regarde depuis quelque temps au bureau? À chaque fois que tu passes à côté de lui pour aller dans le bureau de M. Saint-Auvel, il vient rouge comme une tomate. Pis tout. Proche. Mais voyons donc! Mademoiselle, avez-vous fini de manger votre plume? Mm-hmm. Ben, je mange pas avec mes fesses. Ça prendrait bon. Ouais. Hey, veux-tu vous montrer ma dactylographie aux lettres? Hein? Bon, t'es fait. Je m'en vais. Suite, hein? Bête de même. T'es avec cinq gars. Hein? Tu fais? Hey, va-t'en pas avec eux autres, on te reverra jamais. Oui, va d'autres. En tout cas, les filles, si vous m'envoyez pas, dites-vous que je suis morte heureuse. J'aurai assez peur, mon Colette. Ça, tu vas rester vieille fille aussi. Hey, tiens, prends 10 piastres, tu vas mettre le change demain matin, OK? Si t'es encore là. Non, va être tard, ce que je comme pense. Comme ça, attends pas la suite. Oui, va donc. Vous avez pas besoin de moi pour avoir du fun. Toi non plus. Salut. Cinq d'un seul coup. Bonne fête, Gisèle. Bonne fête, Gisèle. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête, Gisèle. Un mari, peut-être. Pas de mari. C'est beau pareil, c'est beau pareil. Ça fait pas ça, moi, les filles. Bon, ben, il y a de l'espoir d'abord. En tout cas, les filles, vous êtes bien. Je crois que les gens n'aiment pas le son. Même le son de leur propre voix, ils ne l'aiment pas. À la radio, on peut encore rire un peu. À la télé, c'est plus dur. Ils n'aiment pas l'histoire, ils n'aiment pas leur histoire. Par contre, ils aiment raconter ou entendre des histoires au sens où on dit soit raconte-moi une histoire, soit arrête de raconter des histoires. Et l'histoire n'intéresse pas. Le son n'intéresse pas en tant que son. Je sais plus où je suis des fois. Des fois, je dis merde, il y a des gens qui sont là, il faut quand même que je fasse que. Non, je suis ailleurs. C'est bien. C'est... Ils doivent partir avec moi, c'est ça mon rôle. Est-ce qu'ils partent avec moi? On est ailleurs, on oublie tout. On nous donne des haut-parleurs qui rejoignent des milliers, des millions de personnes. C'est une chance et un privilège que d'autres n'ont pas. Il faut que les chevaux sauvages de l'inspiration puissent tout détruire ce qu'on sait, toute sa culture classique, il faut que ça détruise tout, et puis que l'imagination, cette folle du logis, puisse jouer sa partie. Les amis, et rigoler, quand on peut, il faut rigoler, faut rire. Je vous embrasse. Vous verrez mon corps actuel voler en éclats et se ramasser sous 10 000 aspects notoires. Un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. Antonin Artaud. Eh bien oui, pendant cette semaine, j'ai reçu des critiques positives et négatives. Et à partir d'aujourd'hui, lorsque j'en aurai, je vous les lirai en ondes. Oups. Faut pas s'appuyer sur le clavier, hein. Donc, ça, je savais pas, Jean-Marc, tu m'as jamais dit ça. Mais il me semble que c'était évident, il y a un clavier, si tu t'appuies dessus, ça va faire de la musique. Oh! Ouais, moi, je suis pas de la milieu musical, je suis pas un musicien. Ben, ça te prend pas un musicien, ça demande un cerveau. Pardon? Là, on a pas compris. Approche-toi du micro. Salut, bonjour, et comment ça va toi? Ben ça va bien, ton nom? Jean-Marc. Jean-Marc qui? Jean-Marc. Pardon? Jean-Marc. Est-ce que je peux en commander une autre? Une autre quoi? Une autre dose de courage. Ben vas-y. Deux doses de courage ici directement dans le verbo de molécule. Tu savais pas que lorsqu'il y avait un clavier là, qui soit plat, dur, mou, quand tu t'appuies dessus, ça joue. Il me semble que ça crie de vérité. Ah, mais oui, ça crie, hein? Plus de vérité. Êtes-vous sûr que c'est la vérité qui vient de crier? Oui. J'ai demandé à Georgette. Excusez-moi, je vais demander à... Georgette, est-ce que c'est la vérité qui vient de crier? Ben, certainement! Bon, elle vient de dire... On a entendu. On a entendu. Alors, moi, c'est ça. J'aimerais avoir ma dose de courage. Ben, le barman, où est-il? Barman, je sais pas. Où a-t-il été bombé? Barman! Bon, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'attends. T'attends quoi? On est en pleine émission. Oh, excusez-moi. Alors, c'est ça, j'ai reçu des. L'insignifiant. Mais c'est mon contrôleur aérien. J'ai besoin d'un contrôleur. C'est lui qui, dans le ciel, regarde les nuages et observe s'il n'y a pas toujours, hein, l'entité non identifiée qui caresse et qui hante l'errance rénaldienne, parce que je sais qu'un jour, ils viendront nous chercher en pleine émission et nous ferons une envolée rénaldienne vers des extravagances beaucoup plus... Qu'est-ce que tu fais? Je force dans la création. Ben arrête de forcer. Non, non, mais beaucoup plus dans le côté aérien. Dramaturgie aérienne. Oh mon Dieu. Je connais des césariennes. Ah non, non, ouais, ben César. Donne à César ce qui est aux césariennes. C'est sûr. Coupe, coupe, mon Jean-Marc. Coupe, coupe. Il me faudrait ma dose de courage. Pourquoi? Pour couper? Ben parce qu'il faut... Quand on coupe, hein, on doit dire « Excuse-moi, mon relâche, mon émission est exceptionnelle, mais on doit arrêter ça parce que... » On n'a plus de budget, on n'a plus d'argent, on n'a plus rien. On est sur la banqueroute, croûte, croûte. Il y a croûte, la compagnie des parapluies. Ma dose de... Parce que je dois y apprendre ça. Comment ça, tu me mets dehors? Ben... Je sais pas, si on se fait enlever par on estime que les extraterrestres nous enlèveront incessamment. Oui, avant 2012. Avant la fin du... Où toute la société québécoise perdra leur intelligence. Ça s'est pas fait avant, ça? Ça s'est fait en 76, lorsque René Lévesque a balancé aux Québécois « Vive! Vive! » Non, c'est pas lui. Ben oui, il a dit « Vive le Québec! » Ah non, c'est pas lui. Ben non, il a pas dit « Vive le Québec! » Il a dit « Vive le Québec! » Ah, oh, ouais. Excuse-moi, là, apporte-toi pas. Ben non, mais laisse-moi terminer. Tu me passes pour un incompétent devant tout le peuple francophone, là. Il a dit « Vive le Québec! » C'est pas le général Bedeau, là. C'est pas le général Brebis. C'est René Lévesque qui dit « Vive le Québec! » C'est qui, ça, René Lévesque? C'est qui ça, René Lévesque? Ben oui, c'est... C'est un premier ministre. Oh, le premier ministre du... Hey, on est où ici? On est où? On est à Québec. Bon, premier ministre du Québec. Ben oui, j'espère que oui. Ben, je te le souhaite aussi. Non, non. C'est pas ça que je veux dire. Mais devant ton ignorance la plus profonde, comme n'importe quel colonisé moyen, hein, qui ne sait pas ses racines et qui ne les cherche pas, elles sont où tes racines? Mes racines sont dans la tête, là, j'ai des cheveux. T'as des cheveux dans la tête, toi? Ben oui, parce que les racines, pour moi, sont à l'extérieur. Hey, t'es un vrai, moi. Ben, je suis un... Ben, on m'a dit ça, hein? Mon astrologue, Borman, deux doses de courage. Mais donnez-moi un trip. Où est-ce qu'il est, ce Borman, là? Il n'y en a pas de Borman. Comment ça, il n'y en a pas de Borman? Une émission où il n'y a pas de Borman. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en aura jamais. Comment ça, il n'y en aura jamais? On n'a pas de moyen d'avoir ça, nous. Il n'y a pas de moyen d'avoir ça. Il n'y a pas une maudite... J'en ai, mais j'ai tout mis ça sur regarder le clavier, un console, deux micros exceptionnels, hein? Caméra numérique digitale, éclairage sophistiqué, lunettes haut de gamme, petit cabaret ici. On s'est tous dépouillés pour faire une errance rénaldienne à l'allure et un magnétophone qui enregistre un son digital Dolby Surround. Penses-tu qu'on ait moyen d'acheter un barman, de louer un barman, le serveur? On veut pas desservir notre clientèle qui nous écoute actuellement, là. On veut l'enrichir. L'enrichir. Enfin, nous avons reçu des courriers avant que je me pompe et puis que je le dépompe. Puis on va le... Dépompe-le, Jean-Marc, dépompe-le. Mais c'est moi-même, Jean-Marc. Deux doses. Lâche la dose de courage, toi, mon espèce de... Bon. Alors, on me dit « Désolé, mais faut vraiment avoir rien à faire. C'est vraiment plate. » Plate, c'est ennuyeux. Et pas drôle du tout. « Je suis désolé, mais je n'écouterai pas cette émission. Voilà mon opinion. Désolé. » Et c'est Diane Robert qui n'aime pas l'errance rénaldienne. Jacques Duval, lui, qui dit « Bel essai, mais plate. » C'est-à-dire « Ennuyeux à mort. Hey, » Ennuyeux à mort. Ça là, c'est comme si le mort trouvait ça long d'être dans cette situation-là C'est comme ça! Non, attends un petit peu. C'est comme si un mort était ennuyé d'être inactif. C'est comme si le fait de ne plus être vivant amenait une platitude On le sait pas! On le sait plus, on est perdu! Non! Ah non, on le sait pas! On le sait plus, on n'en a rien à glander, on n'est plus là! Comme Jacques Duval qui nous dit cette, cette remarque. C'est gentil pour Jacques, mais Jacques, bon, on dit, bon, Jacques Duval, mange un char de Jacques Duval. Et puis, c'est... Vous pouvez aussi envoyer vos critiques, hein? Il n'y a aucun problème avec ça. Mais je ne vous laverai pas sur la place publique. Alors, on n'a pas de lave-auto, on n'a pas de lave-individu. As-tu des... Non, on n'a plus. On avait des navets, on avait des radis, puis on a beaucoup de patates. Et bon, OK. Alors, il y en a une qui me dit, elle, « Ça fait tellement du bien de réentendre ce charmant accent. » Oh, parce qu'elle l'a déjà entendu. Si elle réentend, c'est qu'elle l'a déjà entendu. Val Collingnun. Alors, Val, pour Valérie, sans doute. Mais non, c'est des vales profondes de l'amour. Oh, Val. Meilleur animateur, le plus créatif, le plus surprenant. Ben là, c'est, il faudrait dire, monsieur, je... Attendez, je vais lire le truc, là. Meilleur animateur, le plus créatif, le plus surprenant, le moins ennuyant, le plus drôle. Tous les fous sont dans la nature. N'arrête pas de faire de la radio. Hugo Clermont. Alors, Hugo, je te présente Jacques. Jacques, je te présente Hugo. Alors, du côté droite, pesant 250 livres de puissance et d'inertie intellectuelle, Jacques Duval. Oui, oui, bravo! Et ça, c'est sa femme, sans doute. Ou sa petite fille, parce que sa femme l'a laissé. Et du côté droit, hein, du ring. L'homme qui connaît le mot, qui connaît la radio, qui connaît la singularité des entreprises intellectuelles de l'errance rénaldienne, Hugo Clermont! Alors, ding! Le combat est commencé. Alors, je te le redis, tu peux aller le voir sur Facebook, Hugo. Il s'appelle Jacques Duval. Et le combat est commencé. Alors, atelier d'improvisation. On a du plaisir, on a du plaisir. Oh! Love song. Echo. Love song de ma jambe, de tes mots sans superflu, entre le flux, le reflux. Le sang. Et toi, tu les as trop lus. Disons, arrêtons les emmerdes, c'est superflu. Je dis tu dis vous êtes tout ce que je tuerai ce soir. Je ne regrette rien, ni le pire, ni le mal avec vous. Ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Si c'est mal, c'est très bien. Mais si c'est bien, entre vous, ça m'est égal. Le hit. C'est le hit. Ça remportera des Césars, des Oscars, des Robert Giffard et des salles de repos. Alors là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui. Peut-on lui ouvrir? Nous allons dans quelques secondes. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'encre. Pas dans l'encre, dans l'antre. De l'oncle Buck. En passant, c'est une maudite bonne émission. Hé, hey, mais avant ça, là, on peut-tu faire jouer le bonobo? Pas vraiment. Peut-être, oui, le bonobo. Bonobo, faites-nous jouer le cerveau, puis on revient avec l'encre de l'oncle Buck. On est tout mêlés, mais on aime ça. OK, le bonobo augmente la sono et fait cracher le morceau. Non, déjà terminé. C'est bien comme ça. C'est mieux qu'au mieux comme ça. Alors là, ici, maintenant, attribuons à la place... pas à la place, c'est maintenant. Ben oui. Excusez-moi, c'est l'énervement. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons le petit toit, oui. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil. Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Pas facile, hein? Non, mais c'est parce que je m'accole à la prothèse qui commence à m'abandonner. Non! Oh, ne m'abandonne point! OK. Un point sur la gueule? Non, point sur le front. Un point, c'est tout. Alors, donc, il nous dit... Et la feuille est toute petite. Première phrase du début d'une nouvelle. C'est « Je suis allé le voir ». Eh oui, ben j'avais pas trop le choix, hein? Comme tout être qui est condamné à vivre dans l'inactivité intellectuelle, je me suis dit, j'ai pas le choix. Parce que les autres en ont, là. En ont, ils ont des grands horizons qui s'ouvrent à eux et peuvent choisir, tandis que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas, c'est toujours comme ça, la première fois. D'abord on dit rien, puis on se dit tout. On a peur du chien et on a peur de l'eau. Et tout là-haut, flottait ta chemise, ta jupe et tes bas. Ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça, la première fois. Pourquoi tu nous rappes pas quelque chose? Ouais. C'est du rap, oui. Ça, c'est du salissage de micro. Lâche-moi, laisse-moi rapper. Hé, Hey, on dirait que tous mes plombages sont en train de... OK. Je vais avoir mal à la ici en bas. Je vais aller voir ma dentiste avant. C'est vrai, quand je fais... J'ai comme... OK. En tout cas... Je viens de loin, je viens... C'est pas du rap, ça? OK. C'est un début de rap. En tout cas, je dérape, excusez-moi. Je suis allé le voir par son... par ma curiosité la plus primaire. Je pouvais pas le laisser comme ça, moi. Hey, deux appels de panique. Premier appel... Hey, Renal! Je répondais pas, c'était le répondeur, là. Moi, j'étais parti chez des admiratrices, signer des autographes et coller des affiches avec ma langue. Sur quoi? C'est les admiratrices? Non, pas sur les murs. Ah, ben, t'es rendu que tu lèches les murs? Ah, ben, écoute, mon émission ne fonctionne plus comme avant. Je suis rendu un has-been, donc je dois lécher les murs. Oh, comment tu sens? Ben, de lécheur de porte à lécheur de mur, je préfère les murs. Pourquoi? Ben, c'est moins froid, hein? Les portes, c'est comme froid, c'est comme très froid. Et le mur, ben, c'est lisse. Des fois, il y a des petits points, ça, c'est des clous. Des fois, il y a des gros points, ça, c'est des gros clous. Des moyens points, des moyens clous, des gros points, des clous. As-tu été à Saint-Cloud? J'ai à Saint-Cloud, non, j'ai arrêté quand, à un moment donné, mon avant-dernière épouse, la gracieuse Magella Mimère. Oh, pas la Mimère, la Mimère. Oh, je pensais que c'était la secondaire. Non, non, c'est la Mimère. Elle me dit, mon beau mâle en rut. Hey, tu te reconnaissais là-dedans? Ben, moi, le gars, je bouillais comme le mouton. Hey, j'ai jamais vu un mouton bouillir, moi. Ben, voyons, la laine du mouton. Oh, attends. On dit que la chanson, la laine du mouton, c'est nous qui la rendons de la laine. Ça n'a jamais bouilli, ça. Ben, voyons, hey, quand tu veux changer de couleur. Ben, j'arrête de respirer, je deviens rouge. Non, pas toi, la laine du mouton. Ah, oh, ben, je la fais bouillir. Ben, comme le mouton. Ah, oh, faut faire bouillir le mouton, il n'a pas la laine. Ben, attends un petit peu, toi, là. On va éclaircir la situation. Oui. Un mouton. Oui. Deux moutons. Oui. Trois moutons. Oui. Quatre moutons. Oui. Six moutons. Oui. Huit moutons. Hey! Rénal! Qu'est-ce qu'il y a? Huit moutons. Arrête de compter les moutons, OK? Ah non, mais les moutons, tu plonges ça dans la cuvette, hein? Et tu le fais bouillir. Ben, il est vivant, le pauvre être. Ben non, tu l'endors. En faisant quoi? En comptant des moutons. Ah, tu comptes les moutons, mouton. Qu'est-ce qu'il fait, le mouton? Il fait béarrête. Béarrête, non. Il dit béchamel. Comment ça, béchamel? Ben oui, béchamel. Tu dois le placer, hein, dans une atmosphère un peu de sauna. Eh, hey, ça me rappelle ma jeunesse. Moi, j'ai passé toute ma vie de 16 ans jusqu'à 22 ans dans un sauna. C'est pour ça que t'es toute plissée. Ah, je suis plissée du niveau cervelet jusqu'à la dansive. Oh mon Dieu, pas la dansive, la gencive. Non, moi, c'est la dansive. Comment ça? Danser là. Ah, ça a trop dansé. Ben oui, j'ai eu une dansée vite, moi. C'est un spécialiste là-dedans. Hey, Jack Nicholson, oui. Je lui ai appris à danser, moi. T'es sûr que c'est Jack Nicholson? Non, c'est... comment il s'appelle? Non, Saute, qui est dans l'église multidisciplinaire, là. John Travolta! Bon, il était là-dedans. Ah, il était là-dedans. Il était malade, lui. Comment ça? Il faisait pou, pou, pou, pou. Ah, il imitait Michael? Ben oui. Ah, c'est quelle vie. Là, je suis allé le voir, mon monsieur X. Comment ça? Il était dans le X, lui. Pas vrai, il faisait des films. Des films X. Il avait une film X, lui. Il y avait une film X, ça, c'est un allongement de l'auriculaire au niveau du bras. Ben, l'auriculaire, c'est les doigts, là. Mais non, lui, c'est au niveau du bras. Il y avait un bras qui poussait dans le... Non, non, il y avait un auriculaire au niveau du bras. Yerk. Il était dans l'Allemagne du peuple. Pas l'Allemagne du peuple, dans le... Comment t'appelles ça, donc? Les affaires, là, inusitées, là. Attendez-moi ça, j'ai passé un cheveu, j'ai fait 50 heures de radio, on m'a dit, tu vas être dans le livre de tous les repos. Non, dans la faiblesse intellectuelle. Non, dans... Voyons, les... Ah, ça me revient pas. Comment tu fais ça, donc? Des... Ben, je sais pas comment je fais ça. C'est en direct, là. Comment on appelle les gens qui vivent des bravoures, là? Ben, c'est des braveux. Des braveux, oui, oui. C'est pas l'almanach, c'est... mondial. En tout cas, bref, vous le savez, vous allez le voir, là, vous m'écoutez. Moi-même, quand je m'écoute, je le sais ce que je veux dire. Mais je peux pas le dire. Pourquoi? Parce que je suis un manipulateur intellectuel. Je me suis bouché tous les horizons. Je me suis fermé les portes. Oh, mon Seigneur. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, je peux pas le nommer. Je suis pas capable. Ben, je suis pas capable. Je suis capable. Complètement capable. Ben, c'est des... Hey, monsieur, c'est des... Qui est décédé? C'est pas le monsieur. Non. Guinness. Hein, les records Guinness, c'est les records Guinness, c'est le record Guinness. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, c'est les records Guinness, c'est les records Guinness, c'est les records, Guinness. C'est ça. Alors, j'étais là, moi, là, pour vérifier si M. X était toujours X. Parce qu'il me disait, je me sens pas très bien. J'espère, tu t'opposes jamais, mon petit champion. Entre deux, relax. Puis, il voulait pas faire ça, lui. Il était compétitif, comme on dit dans le milieu du Guinness. Compétitif. Parce qu'il voulait se faire voir du monde. Puis pendant 25 ans, sa femme lui disait, « Va te faire voir ailleurs. » Puis lui, il voulait pas se faire voir ailleurs, il voulait se faire voir devant lui. Il voulait être le reflet de lui-même, c'est-à-dire un numéro un, un capitaine, un être qui serait beaucoup plus supérieur que la majorité. Et là, il était dans un coton des plus moelleux, puis il me dit, viens voir. Je peux pas, moi, là, je suis en compagnie de mes 17 maîtresses et je suis en train de lécher des murs. Arrête de lécher des murs, ben. Pour toi, mon petit champion, on va aller te voir. Elle fait que là, devant lui, je frappe à la porte. J'étais devant lui, mais il y avait la porte, il ouvre. J'ai dit bonjour, mon grand poète. Il dit, bonjour, Rélal. J'ai dit, arrête le X, toi, là. T'es un être de mots. De modification. Oui, tu veux changer le monde. Non, je veux changer le mot. Ah! Alors, lequel? Le mot amour. Comment ça? Le mot amour ne me comprend pas. Oh, mon... Il y a bien des gens pour qui le mot amour ne veut plus rien dire. Alors, comment vas-tu faire? En le remodelant sous une nouvelle forme. Oh! Alors, vas-y. Amour. Oui. Amour. Oui. Amour. Oh! L'amour. Jamais je ne t'oublierai. rayonnons, rayonnons, rayonnons, non, non. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Oui, rayonnons! Alors, c'était l'improvisation Le Grand Poète, le titre de la nouvelle de Charles Bukowski. C'est pas vrai, c'est la réalité. La preuve, on enchaîne avec la musique car ça adoucit les mœurs. Écoute, Germaine, tu vas pas me faire une scène devant tout le monde. Hein? Trop tard pour reculer. Le sang va couler, c'est moi qui te le dis. Tu trouves pas ça niaiseux, moment de recevoir après réception? Il me semble qu'un s'est bu, ben, c'est manger de même. Ben, c'est la tradition, ma petite fille. Les parents de la mariée payent pour la réception, mais c'est normal que les parents du marié fassent un petit quelque chose après. Et oui, mais maman, les mariages avant, ça se faisait le matin. Il est rendu 11h30 du soir, la réception vient de finir, puis notre party n'est même pas commencé. Ben oui, puis il y a même personne de l'autre famille qui est venue. Ils sont bien trop snobs. Fait qu'on se retrouve encore entre nous autres comme on le fait, on n'a rien à se dire. Ben? La vieille fille qui remonte à la surface. J'en peux plus, je vais être tué. Ils me prennent encore pour un enfant. Ben voyons, coco. Maman, toi ici. Franchement, j'ai 36 ans. Arrête donc de m'appeler comme ça. Donnez-moi quelques sandwichs, là, puis je vais aller les manger dans ma chambre. Que mon beau coco. Faut manger ça dans ta chambre. Hey, c'est vrai qu'il aurait dû faire un moine, lui. William, viens ici. J'ai dit ici! Qu'est-ce que tu veux, ma belle Germaine? Tu oses m'appeler ta belle Germaine après ce que tu m'as fait hier soir? Vous trouvez ça drôle, vous autres? Ben, moi, je trouve pas ça drôle, pantoute! Un homme qui prend un coup et qui mange sa femme de même la veille d'un mariage, c'est pas drôle, pantoute! William, j'ai dit ici. Plus vite que ça! Avance! Tiens! Ah! Ah! Je trouve que c'est effrayant. On va préparer autant de bonnes choses pour du monde qui ne sauront même pas ce qu'ils mangent. Ah, va être en sort donc, puis arrête donc de critiquer. Et vite, c'est pesant, ça. J'espère que ton chum n'a pas trop peur de notre famille. Puis toi, ton chum. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici dedans? C'est qui en dos? Pousse pas la nièce. Marie, j'ai assassiné mon William. Oh, encore! Ici, Asfax. Ici, Asfax. Yassus. Yassus. Demain Paris, demain Paris. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun amant ne livre la même humeur. À nous de lui, à nous de lui. Yassus, Yassus. Aucun amant n'affiche la même heure. Aucun cadran ne livre la même humeur. Yassus, Yassus. Demain Paris, demain Paris. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun amant ne livre la même heure. À l'intérieur, à l'intérieur. Coule la Garonne, coule la Garonne. Aucun amant n'affiche la même heure. Aucun cadran ne livre la même heure. Paris, à nous de lui. Yassus, Yassus. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun amant ne livre la même heure. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.